5 minutes chez Bruant. Scène réaliste interprétée par l'auteur. Eh ben, bon Dieu, ce fois-ci, v'là du linge. C'est pas de la rinsure, v'là vidée. C'est de la gerbe, c'est de la belle. Deux chouettes petites sœurs avec un ambassadeur. Un miché ou un voleur. À nous les cœurs. Oh, là, là, ce gosse que vous êtes. Oh, là, là, ce gosse qui est là. Oh, là, là, ce gosse que vous êtes. Oh, là, là, ce gosse qui est là. Par ici, mes petites chattes. Mettez votre cul là. Monsieur Brun, il y a plus de place. Il y a toujours de la place. Tu m'en enverras 3 caisses. La ferme. Et toi, Gourdiflon, viens par ici avec tes 2 bergères. Maxime, tous ces 3 bois qui ont un galopin, je tinque à la santé des poules de Gourdiflon. À te faire rien, ici on fait pas la corde. À la tienne, mon salaud. Pareil qu'on ne te refuse rien dans ta famille. C'est à toi ces 2 ponettes-là. Monsieur fait l'homme sandwich. Promène sa bidoche entre 2 tableaux. Oui, il a pris 2 gonzesses pour être plus sûr d'être cocu. Ah, de chameau, vous allez taire vos gueules, on va vous chanter les petits joyeux. Et tâchez d'en prendre enfin si vous en êtes capable, tant de proparien, tant de saligots. C'est nous qu'on va passer avec des nœuds de cravate, des bleus, des blancs, des rouges et des couleurs de cul. Et si nos petites gonzesses traînent un peu la savate, nous avons des pantoufles pour leur du foot dans le cul. Encore m'emmerder demain soir, n'est-ce pas? Pas de cochon.